Chapitre 18e, la brûlure. C'était une nouvelle énigme qui se posait, vraiment curieuse, imprévue, et digne d'exercer la sagacité de Paul Abroquet et de ses lieutenants. La morse aussitôt se mit en campagne. Il voulait avoir cette gloire de découvrir lui, le vieux poilu. Quant à Paul Abroquet, n'ayant pas deviné tout de suite, il affecta à son habitude de ne pas chercher ce que cela pouvait signifier. Comme toujours, il prétendait s'en rapporter avec confiance au hasard pour découvrir ce mystérieux vieux poilu. Mais en réalité, il cherchait sérieusement, et de supposition en déduction, il comptait bien arriver à établir ce que cela signifiait, à savoir qui ou ce que désignait ce terme « vieux poilu » dont la barbe réclamait urgence. Mais jamais il ne s'attardait dans la recherche d'une seule affaire et ne perdait son temps dans la solution d'un seul problème. Il assurait que c'était en courant après un tout autre sujet qu'il découvrait parfois ce qu'il ne poursuivait pas en ce moment et qui lui échappait jusque-là. Au demeurant, ce phénomène est assez fréquent chez ceux qui travaillent au cerveau. C'est en changeant d'occupation que l'inspiration rebelle se manifeste. L'idée est femme, par conséquent fantasque et perverse. Quand on court après elle, elle se dérobe. Mais dès qu'on l'abandonne, qu'on la fuit, furieuse d'être délaissée, elle se présente aussitôt. Donc, Paul Abroquet, ne trouvant pas la solution de ce problème, n'en devinant même pas le sens, cessa de s'en occuper officiellement et pour donner le change à sa cervelle, il alla tous les soirs passer quelques moments au cirque moderne. Comme beaucoup de gens très sérieux, très graves, il prenait un plaisir extrême aux farces des clowns, sans cependant se départir de son goût reconnu pour les exercices de force et rien diminuer dans son admiration de Miss Hidden. Or, une fois, il eut le désagrément d'apprendre par l'annonce de Genio, le régisseur, qu'il serait privé de son clown favori, Fungetti. Fungetti, annonça Genio au public, s'est blessé assez fortement. Il ne peut se servir de son bras droit. En effet, Fungetti se trouvait dans les coulisses et montrait son bras tenu en écharpe, soigneusement entouré de pansements d'ouates, de bandages. Il semblait sérieusement blessé. Paul Abroquet témoignait à ce clown, en vérité extrêmement amusant, spirituel et drôle, et réellement fort, un intérêt tout particulier. Souvent, il venait à l'entracte causer avec lui. Fungetti, en plus de sa force, de son habileté, de sa souplesse, de son talent de clown, ne manquait pas d'esprit et laissait entrevoir qu'il était assez cultivé, instruit. Il se montrait très simplement, sans aucune affectation, d'une courtoisie, d'une urbanité, d'un savoir-vivre enfin, qui, on peut l'avouer sans froisser personne, sont assez rares chez les gens de cirque, braves et dignes gens, mais d'origine plutôt humble et d'une éducation le plus souvent rudimentaire. Chez Fungetti, au contraire, on retrouvait ce je ne sais quoi qui dénotait non seulement le gentleman bien élevé, mais l'homme du monde. D'ailleurs, on prétendait que Fungetti, dont on ne connaissait pas le nom, Fungetti étant son nom de bataille, appartenait à une grande et illustre famille, les uns disaient espagnols, d'autres italiennes. Fungetti n'était ni espagnol ni italien, il était anglais, de ce fait qu'il était né à Malte, possession anglaise. Qui était-il en réalité ? Pas plus que pour Miss Hidden, il n'était possible de le savoir. Comment était-il entré dans le cirque? La légende voulait que ce fût par amour. Il aurait aimé une écuyère anglaise. Pour la suivre, la surveiller, car il se reconnaissait extrêmement jaloux, pour ne pas la perdre un instant, il était entré au cirque. Puis la ruine, venue promptement, les Anglaises ont les dents longues, ayant pris goût à la piste, il avait voulu continuer de vivre dans ce milieu où il avait aimé. Et l'écuyère anglaise, l'ayant très froidement abandonné quand elle l'eut mis à sec, il resta au cirque et essaya de dompter son cœur en éreintant son corps, de noyer son chagrin sous les lazzi et de faire rire les enfants pour ne pas, lui, l'homme, se mettre à pleurer. Maintenant que tout dans cette légende amoureuse fut vrai ou non, il n'était plus que Fungetti, le clown étoile, simplement Fungetti. Eugenio avait fait son annonce au public au commencement de la soirée. Paul Abroquet se trouvait déjà au cirque, mais il n'avait pas pris place encore. Il se promenait dans les coulisses, regardant les chevaux qui allaient paraître. À l'annonce de Genio, il chercha Fungetti pour lui demander comment cet accident regrettable avait pu lui arriver, et lui faire entendre quelques mots de sympathique encouragement à prendre son malheur en patience. Précisément, Fungetti arrivait au cirque, le bras droit, comme je l'ai dit, très emmailloté. Avec son accent maltais, mi-génois, mi-turc, mi-anglais, qui en piste produisait chez les enfants un effet considérable de comique outré, il dit au détective, répondant à sa question, « Je suis une victime de ma gloire. Comment cela ? Un martyr du macaroni. Vous vous êtes brûlé ? Atrocement ! Rien ne brûle comme le macaroni, chaud. Rien au monde. L'huile bouillante, le plomb fondu, c'est comme des sorbets à côté du macaroni qui cuit. À ce point, plus encore ! » s'écria Fungetti en riant, et il ajouta « Figurez-vous, mon cher monsieur Paulin Broquet, que j'ai une réputation, je peux le dire sans fausse vanité, une réputation universelle pour le macaroni. Je pourrais mettre sur mes cartes de visite « fournisseur de la table royale », car le roi d'Italie, ce gourmet, cet artiste, ce connaisseur, s'est régalé avec sa majesté la reine de ma cuisine. Je suis le champion du monde pour la confection du macaroni. Mes sincères compliments. Alors j'avais convié quelques amis à venir goûter un de mes macaronis. Naturellement, j'en préparais un plat énorme, parce que je connais mes hôtes. Quand mon domestique apporte le plat haut, comme le Mont Blanc, tout le monde crie « C'est fou, il y en a pour toute l'armée !»« Pour tout Paris !» Puis, quand on s'y met, mon macaroni qui était montagne se change en rivière, serpent, glisse dans les gosiers avec une facilité merveilleuse. Et les convives, d'abord effrayés, trouvent toujours plus qu'il n'y en a pas assez. C'est là votre plus bel éloge, oui. Donc, comme j'avais à traiter des amis gourmets et doués d'un bon appétit, je préparais non plus seulement un Mont Blanc, mais un Himalaya de macaroni. Et je surveillais ça avec des yeux caresseurs, une attention d'astronome qui n'a qu'une minute pour voir passer la comète qu'on ne revoit que tous les 300 ans. Je comprends ça. Voilà, mon cher monsieur Paulin Broquet, quand le vent la marmite, large, immense comme une baignoire, dans laquelle le macaroni cuisait, en levant cette marmite pour vider l'eau bouillante, comment ça s'est-il produit ? Ah, vous savez les malheurs, on ne peut jamais dire comment ni pourquoi ça arrive. Voilà que la marmite m'échappe des mains et que la montagne de macaroni me fait avalanche sur le bras droit. Oh ! Comme il faisait chaud dans la cuisine, j'avais les bras nus, et le macaroni se collait à mon bras droit, se roulant autour, comme des tentacules de pieuvre en feu et des anneaux de serpent enflammés. J'ai subi en ce moment l'épouvantable présence du serpent d'airain, qui serait sorti du buisson ardent du mont Sinaï dont parle la Bible, un peu avant le chapitre de la manne céleste, lequel devait être quelque chose comme la grand-mère du sacré macaroni.